Et 22h à la pendule de Radio Béton, vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger sur les ondes du 93.6, le rendez-vous métal du dimanche soir. On est sur une émission en direct, donc on attaque tout simplement demi-heure pour aujourd'hui. Dernière demi-heure que l'on attaque avec un quatrième focus ce soir. Il avait faim et il était généreux, l'ami Thibaut, quand il a préparé l'émission. C'est qu'il y avait de la matière aussi dans la playlist, mais effectivement, quatrième focus, je crois que c'est la première fois. Oui, puis il est original, hein. Il va encore nous chercher un focus du côté du Nord-Ouest. Oui, ça va, je fais des efforts, il y en a déjà quatre. retour au Canada, du côté de la ville de Calgary, le groupe Hyperia qui nous sort là leur deuxième album. Un groupe récemment formé, entre guillemets, hein, ils sont formés en 2018, ils nous font un mélo trash death pour tirer les grandes lignes. Historiquement, en fait, c'était un groupe qui s'appelait Sahasrara, un groupe de Power Sympho. Alors, j'ai pas réussi à jeter une oreille à ce qu'ils faisaient. J'étais très très curieux de savoir ce qu'ils proposaient à l'époque, mais impossible de trouver quoi que ce soit sur le groupe. Donc, dommage. J'aurais bien été curieux de voir ça. On a un line-up qui tourne autour d'un autre groupe. Alors, je passe vite fait dessus. Ça s'appelle Skymir. C'est un groupe de folk mélo. Franchement, un peu dispensable. Voilà. Visiblement, le groupe, il a l'air d'être imbriqué un petit peu avec ce groupe-là. On pourrait presque établir des corrélations entre Sahasrara et Skymir. Oui, parce complètement. Skymir, c'est un anagramme de Skyrim quand même. Ouais, mais j'ai pas trouvé. De vraies corrélations directes entre c'est les ça. Deux. Donc, effectivement, j'ai tapé Skymir sur le truc, le logiciel m'a dit c'est Skyrim, tu vois. Mais j'ai pas eu le truc sur la finalité lien. De ce groupe-là. Donc ils ont troqué les cuirs et les cheveux lissés pour les vestes à patch, les moule-boules et les chaussures, les baskets montantes. Ouais, complètement, mais c'est parfait. Enfin d'ailleurs, pas tous les moule-boules, hein, parce qu'on retrouve une femme dans le line-up. Complètement. Du coup, ils ont sorti un premier album donc en 2020 qui s'appelait Insanitorium, qui était déjà très très sympa. Moi, je l'ai trouvé assez cool, même si ça manquait un petit peu de solidité. Et que ce soit côté chant ou côté compo, il manquait encore un petit truc. Et là, le deuxième album qui s'intitule Silhouettes of Horror. Globalement, en fait, donc là, vous l'entendez dans les titres des albums, c'est un groupe qui tourne un petit peu toute l'articulation des paroles, de l'univers et tout ça. Ça tourne autour de la folie, la psychiatrie, en partie également, et la peur, les peurs en général. Donc cet album, il est beaucoup beaucoup plus abouti que le précédent, avec un meilleur son, un travail de composition que j'ai trouvé assez remarquable, beaucoup beaucoup de diversité globalement dans cet album, et je trouvais des passages, en fait t'alternes des passages qui sont ultra groovy et des moments où ça devient assez lourd, assez pataud dans le sens death metal, et t'as une espèce d'alternance entre des trucs que tu peux avoir dans des dans du thrash un petit peu même heavy thrash que tu peux avoir dans le chant, avec des montées qui vont monter très haut dans les aigus, très puissants, et des descentes où tu arrives sur un chant growl bien à rentrer dans les clichés, mais c'est vrai que c'est ça, un petit peu à la Arch Enemy dans le timbre de la voix que tu vas retrouver. Tu retrouves le chant peut-être plus de Alissa pour le coup que d'Angela, mais t'avais vraiment une super belle palette dans le chant de la chanteuse du coup. J'ai perdu mon fil, c'est très bien. C'est la fin, hein, le quatrième, là, il est un peu raide. C'est pareil, ça commence à tirer sur la gueule. L'artwork, ouais. La reprise de fin d'album, j'y arrive. La longueur des morceaux, tout ça. Visuel super classe, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un peu classique en termes les traits et tout ça, c'est en très termes d'esthétique, ouais. Ouais, et en termes d'esthétique. Il y a forcément un gros lien entre les deux. Les deux pochettes d'albums. Et alors la pochette, on va juste vous dire, en fait, prenez le temps de l'observer parce qu'elle est ultra riche. Il y a plein de choses à observer dessus, en fait. Ouais, et du coup, en fait, t'as une espèce de silhouette, et clairement, c'est pareil, je pense que c'est complètement assumé. Enfin, la silhouette qui est sur la gauche, si je dis pas de bêtises sur le visuel, enfin, c'est Freddy Krueger, quoi. C'est la silhouette de Freddy Krueger qui apparaît. Justement sur le thème des peurs de tout ce qui est de la psychiatrie et des peurs, de la folie. On a vraiment tout le panel des lyrics, hein, tout l'album il tourne autour de ça. Et puis voilà, tu en écoutes un petit morceau? Oui, lequel? Le dernier? Celui de la reprise ou pas? Non, alors J'ai été assez surpris, là, la première écoute, de tomber sur une petite reprise de ABBA en conclusion de l'album. Le morceau Gimme Gimme Gimme, hein, au hasard. Tout à fait, qui est parfait. Il est très très drôle, j'ai même hésité à le passer. Mais non, je me suis dit... On aura l'occasion de se l'écouter dans les futures émissions. Complètement. Et un album généreux, hein, 50 minutes de son. Le titre de clôture avant la cover qui fait 7 minutes. Donc voilà, Hyperia, c'est riche musicalement. Et du coup, on s'écoute le titre Terror Serum, extrait de l'album Silhouette of Torture, dont tu viens de nous faire le focus. C'est parti, Hyperia. voilà un titre qui va bien pour s'illustrer le focus de Hyperia que tu viens de nous présenter. Ouais, complètement. Peut-être un des morceaux qui est le plus mélodès, clairement dans la branche de tout ce qui est suédois et tout ça. T'as vraiment ces petits relents du mélodès de là-bas. Et moi, j'ai trouvé assez cool ce morceau. Après, globalement, en fait, t'as beaucoup de diversité dans l'album. De souvenir, il est assez long, il fait une quarantaine de minutes, un truc comme ça. 50 même. Ouais, carrément. C'est ça, 50 minutes. Et du coup, t'as vraiment toute une palette de styles différents qui vont se découper au travers de l'album. Et puis voilà, vraiment un super bon album. Moi, j'ai pris grand plaisir à l'écouter. La vocaliste, je trouve, il fait pour beaucoup parce qu'elle a vraiment un style qui est versatile dans ce qu'elle propose. Elle passe d'une voix à l'autre sans. C'est ton mot ce soir. Hein. Ça fait 5-6 fois que tu l'emploies, versatile. C'est versatile. Voilà, tout à fait. Très bien. Ben merci, puis de toute façon tu restes pas loin du micro parce qu'on a peut-être des trucs à dire sur le groupe qu'on s'écoute pas tout de suite mais dans la doublette d'après, puisque d'abord doublette avec Beyond Mortal Dreams du Brutal Death qui nous vient d'Adélaïde en Australie. Ils sortent leur second album studio Abomination of the Flames. C'est bien cool, Beyond Mortal Dreams. Hein. Moi, dans les influences, j'y retrouve un petit peu de Vital Remains et les vieux Morbid Angel. Et puis voilà, ce côté un peu Evil Death à la Incantation Immolation. Et même le grandiose de Nile. Et ensuite, Armory. Qui sort son nouvel effort studio Mercurion. Là, on est sur du speed venu de Suède, donc Revival Speed, hein, du Galactic Heavy Speed Trash même. Mercurion, donc le nom de ce nouvel effort studio. Beyond Mortal Dreams, le titre Hell of Eternal Death. Armory, Message from the Stars. C'est parti. We'll be right back. Allez, on va prendre une grande inspiration, un peu de softness sur cette fin, cette pré-fin d'émission. Avec tout d'abord au-dessus, je sais pas si t'as un mot à dire. Non, il veut plus parler au micro, il a trop parlé ce soir. La formation de Post Black venue de Lituanie, hein, signée sur sur le label Les Acteurs de l'Ombre. Ils sortent là un nouvel EP intitulé Mend. Du coup, j'ai pas trop grand-chose à dire. Voilà, on va s'écouter le morceau Negation 2. Et dans la foulée de au-dessus, Spiral Spikes, on est sur du psyché doom rock qui nous vient de Suède, emmené par une vocaliste. Second album studio, Death Is But A Door. On est dans la grande tradition du revival rock psyché des années 60-70. Spiral Spikes, on va s'écouter le titre Heart of Darkness, une sortie Art of Propaganda Records. C'est parti. Let me gain. Et c'est l'heure, j'allais dire déjà, mais c'est pas plus mal non plus, hein, quand même, de clôturer l'émission de ce soir, avec une dernière doublette bien bien bien extrême, hein, comme je disais, Spear of Spikes, c'était un petit peu la bouffée d'oxygène. Tout d'abord, Blood Countess, ça nous vient du Yorkshire en Angleterre, c'est emmené par une vocaliste, le thème, forcément, c'est Elizabeth Bathory. Occulta Tenebris, c'est le nom de leur premier album studio. C'est classic shit en termes de black metal, avec une vocaliste qui arrache pas mal et qui vient notamment de Eastern Front. Ad Altar Sanguinem, c'est le titre qu'on va s'écouter ce soir. Et en clôture, en délicatesse, avec Putrefagy, le groupe de slam venu de Belgique. Le duo qui nous sort son quatrième effort studio, Annihilating the Week. À noter que, bien sûr, une des deux têtes pendantes de Putrefagy fait partie de Human Barbecue, qui d'ailleurs prépare une prochaine galette d'ici peu. Viletapes Record, c'est leur écurie. Et pour le coup, c'est le dernier titre pour ce soir. Et c'est la dernière nouveauté également. Putrefagy, on s'écoutera le titre Unit 731. C'est parti, excellente fin de soirée à toutes et à tous, à dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé, et puis normalement le dimanche 22 mai on devrait être de retour pour une émission en direct. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, et à très bientôt. Ciao ciao.